pieds dans le ciel. On joue à rien, c'est ça qui est essentiel. Le soleil nous parle en langue paresseuse. Le temps s'étire, la vibe est précieuse. On est beau. Entre les transats, une mouette rit, le monde s'arrête. Ma montre est morte et je m'en fous. Je suis à l'heure du rien du tout. On s'oublie, on rêve en boucle. Tout tourne lentement, aucun doute. S'étale sur la lumière. La paresse est une prière. Qui fait la sieste. Le monde peut bien tourner. Ici on reste allongé. Fais pas de bruit, le temps dort. Ne réveille pas le décor. On flotte, on glisse, on s'éteint. Tout douce meurt, c'est très bien. La chaleur sait nous bercer.